Game Trip FM, c'est tous les samedis de 11h30 à 12h30 sur BLE Radio. Wesh ma gueule. Wesh ma gueule. T'es sur McFlan et c'est ce crème anglais. Check ça bien. T'as vu ? Et salut à tous, bienvenue sur GTFM, on adore ce générique, n'est-ce pas, hein ? Ouais, on ne s'en lasse pas. Et bienvenue sur Game Trip FM, la nouvelle émission spécialement dédiée aux jeux vidéo sur BLE Radio, la radio la plus proche des Lorrains. Deuxième épisode cette semaine avec évidemment le meilleur de l'actu des jeux vidéo cette semaine, du rétro gaming bien sûr, mais pas que, hein, en compagnie, et d'une partie de la rédaction de GameTrip.net, le site de référence des jeux oldies depuis 11 ans sur internet. Et comme la semaine dernière, on va vous embarquer, attention je refais la vanne, dans le monde des petits et des gros bits, et on va faire un voyage. C'est toujours marrant, hein. Et on va faire un voyage dans le temps vidéoludique. À mes côtés aujourd'hui, j'ai donc Jérémy. Salut Jérém. Bonsoir. Avec toi, on va parler de ce qui a fait l'actu des jeux vidéo récents cette semaine. Mm-hmm. On verra ça tout à l'heure. Et de nouveau cette semaine, on accueille Ben pour ses fameuses péripéties au coin du feu. Salut. Cette semaine, si tu reviens, hein, c'est pas pour nous parler des aventures vidéoludiques, c'est surtout parce que cette émission, c'est une spéciale jeux vidéo et cinéma. On accueille donc aujourd'hui un expert en la matière. Hein. Ouais, tu mets la pression. Il arrive dans une demi-heure. Voilà, c'est ça, il va arriver. Après. De quoi on va parler à midi dans ta chronique, du coup ? Alors, on va évoquer donc un film en rapport avec l'univers des jeux vidéo, c'est Existence de David Cronenberg. La mouche. Son meilleur. Probablement son meilleur film. Ouais. Ok, on va en parler tout à l'heure à midi. Au menu de l'émission aussi aujourd'hui, spécial donc jeux vidéo et au cinéma. Comme annoncé la semaine dernière, hein, la faute à Masioka, on l'avait dit, qui a annoncé la production en cours de l'adaptation de Megaman au cinéma. C'est pour ça qu'on va en parler. On était tous pas forcément chaud sur cette adaptation. On va donc en débattre dans la dernière partie de l'émission vers 12h20. On va également revenir aux origines pour remonter gentiment vers les bouses infâmes qu'on a connues jusqu'à récemment. Et voilà. Il y en a, ne me fais pas cette tête. Oui, il y en a. Alors notre test de la semaine, ce sera dans 25 minutes. Qu'est-ce que ce sera, Jérém ? C'est End of Gods du studio Ayrez. D'accord, on va écouter ça tout à l'heure. À midi 10, on parlera oldies et rétro gaming, évidemment, avec l'actu des derniers jours, et notamment un remake HD de Tomb Raider 2. Lara a-t-elle toujours cet été pointu ? On va voir ça. Juste après, on vous fera découvrir une musique de jeu, comme chaque semaine, vers midi et quart. Aujourd'hui, émission spéciale oblige, on parlera de Mortal Kombat, le film et cette musique techno que tout le monde a connue. Et enfin, à 12h20, notre débat tous ensemble chaque semaine. Et aujourd'hui, ce sera sur les jeux au cinéma. Le cinéma est-il condamné à toujours et à jamais, d'ailleurs, produire des étrons lorsqu'il tente d'adapter des jeux vidéo ? Les jeux sont-ils adaptables, d'ailleurs ? C'est peut-être pour ça qu'il y a des problèmes. Vous avez, vous aussi, la parole si vous souhaitez participer au débat, nous donner votre avis sur des films. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez laisser un message sur Twitter avec le hashtag GTFM, le hashtag BLE Radio. Sinon, vous pouvez aussi commenter sur les pages officielles Facebook, BLE Radio Officiel ou GameTrip.net. Et vous pouvez même intervenir en direct. Pour cela, laissez-nous un petit message. On vous passe à l'antenne tout à l'heure. En attendant, on commence avec la revue de presse de la semaine dans le monde des jeux vidéo. Et c'est donc Jérém qui va commencer. Jérémy. Tout à fait, avec un plaisir non dissimulé. Donc comme à chaque rentrée, vous allez avoir les deux jeux de foot principaux qui sortent. Oui. Donc les deux concurrents principaux, PES et FIFA 2018 pour cette année. Donc le 14 septembre, donc il y a maintenant deux jours, PES est enfin sorti. Et donc la démo a été jouable et les prises en main ont été faites à la Gamescom, donc qui était il y a 2-3 semaines maintenant. Et a priori, le jeu semble vraiment bon. L'équilibre est très bon entre la défense et l'attaque. L'intelligence artificielle est clairement plus que correcte. Bien sûr, comme tous les ans, ils ont changé, ils ont fait des retouches sur les animations des attaquants, visages. Les visages, voilà, sur les expressions faciales, plus. et toutes les célébrations de but. Alors après, est-ce qu'on peut dire effectivement que pour une fois PES va redépasser FIFA dans le cœur des utilisateurs ? Non. Alors a priori, donc non, me dit John. de toute façon, ce qui va toujours poser problème, c'est les licences, tout simplement, comme depuis les premiers PES, où on n'avait pas Ronaldo, mais on avait Ronaldi. Et c'était infâme à jouer, clairement. Fameux joueur Ronaldi. Castolo. Mais voilà, non, mais ils existent sûrement, mais dans des championnats obscurs. Voilà. Et donc là, non, pour rester un petit peu dans cette veine-là, ils n'ont toujours pas donc toutes les licences. C'est téléchargeable et tout ça. Il faut modder à mort. Voilà, il y a des petites combines, effectivement, pour tout avoir. mais pour l'utilisateur lambda, c'est vraiment pas pratique. Donc si vous êtes fan du Bayern Munich, le club n'existe même pas du tout. Si il y a le club anglais qui n'existe pas aussi. Ouais, il y a certains clubs anglais qui n'existent pas. Le Real Madrid s'appelle MD White. Enfin, c'est vraiment un gros problème par rapport à FIFA, même si à côté de ça, le jeu, la jouabilité est vraiment bonne, l'IA est vraiment sympa, mais ça restera toujours un petit peu en dessous, a priori. Ouais. C'est, bah oui, du coup, on testera FIFA la semaine prochaine, hein, puisque, ou la semaine d'après, je ne sais plus, dans deux semaines, puisqu'il sort là, à la fin du mois. Il sort le 29. 29, donc on le testera normalement pour le samedi juste après, puisqu'il y aura une émission juste après. Moi, je vais vous parler de Microïds. C'est une affection toute particulière parce que c'est un vieil éditeur, un studio français de 1984 qui est à l'origine de l'Amerzone. C'était un jeu d'aventure à l'époque des LucasArts, justement. C'était conçu par l'immense Benoît Sokal qui a fait Siberia derrière. Et ben, l'éditeur de français de jeux vidéo a annoncé le lancement de son label Microïds Indie qui servira à éditer des jeux du studio et des développeurs indépendants et à les accompagner dans le lancement. D'autres éditeurs avaient déjà fait pareil, un peu dans le même genre ces dernières années. C'était plutôt des grosses boîtes américaines, mais là, c'est, voilà, je trouve le truc intéressant puisque c'est un petit éditeur petit, on va dire, entre guillemets, éditeur français. Et ça va bien aider les indés à se faire voir, et c'est bien car les indés, c'est le bien, hein, tout le monde le sait. Alors que les grosses boîtes, c'est le mal. Oui, mais c'est pas une grosse boîte du coup. Pour Microïds, c'est pas Ubisoft, hein, c'est vraiment. C'est pas super connu en plus. J'ai regardé un petit peu le catalogue, il y a 16 titres à ce jour dans le catalogue. Ça se concentre d'abord sur des sorties Steam avec des jeux. Alors les jeux, c'est Gévaudan, Showtime 2073, The Descendant, Around the World et très prochainement Steamberg. Et c'est Steamberg, il a été primé récemment Best Upcoming Game au IMGA Global à San Francisco. Et Gévaudan, j'ai regardé, c'est un jeu français aussi. C'est sur Steam depuis juin. Sur la bête. Ah, je suis content. Exactement. Que tu aies choisi celui-là parce que c'est le titre qui m'a interpellé quand on a parlé. Et bah voilà, ça fait méga flipper. C'est un jeu d'ambiance flippant à la Slenderman. Je sais pas si vous vous rappelez de Slenderman. Vous êtes dans un bois et il y a un mec chelou qu'il faut éviter. Et si jamais on tombe sur lui et qu'on le regarde, on meurt. Là, c'est un peu la même chose. On est dans un bois. C'est une comme ambiance... Méduse en fait. Ah, c'est, la, oui. C'est la suite de Emile Louis The Origin, c'est ça. Exactement ouais. Ça. Du coup, c'est, franchement, c'est un super jeu. J'ai regardé les vidéos. C'est super flippant. Et ce qui très flippant, c'est de le mettre en VR un jour avec un casque VR, parce que pour le coup, de se balader dans un bois comme ça de nuit et de faire gaffe de pas tomber sur une grosse bête aux yeux rouges, je pense qu'en réalité virtuelle, ce serait génial. Ouais, mais là, il va falloir passer les avertissements de santé aux personnes cardiaques. Et ah ouais, bah là, tout ça. De toute façon, tous les jeux VR maintenant, ils ont ça. Même même les jeux de roller coaster en VR. Ils ah d'accord, j'avais même, j'ai pas fait gaffe. D'accord. Une autre news, Jérém. Oui. Alors après, c'est pareil. C'est comme John, pour une affection un petit peu particulière, souvent les gens qui sont un peu dans le trip jeu vidéo et tout ça ont joué à Magic. Alors vous me confirmerez peut-être ou vous confirmerez ça. Ouais, totalement. Ouais. D'accord. Donc Magic, vous pouviez y jouer donc en version papier. Enfin, vous pouvez toujours d'ailleurs y jouer en version papier. Et donc ils avaient fait un jeu qui s'appelle Magic Duels online, qui était objectivement pas génialissime. Et donc malgré tout, ils sortaient les mêmes extensions qu'en papier. Et donc là, en fait, Wizards of the Coast a annoncé la semaine dernière qu'ils allaient lancer Magic Arena, tout simplement, ça s'appelle Magic Arena. Ils sont pas foulés. Donc c'est encore en cours de développement, mais ça a été une grosse annonce parce qu'ils en ont marre en fait d'être submergés par les CCG, les CCG qui sortent de par tous les éditeurs en ce moment. Et CCG, c'est Collectible Card Game. Donc voilà, c'est des jeux de cartes que tu peux collectionner, mais pas échanger comme les TCG, Trading Card Game. Okay. Désolé pour les non-initiés. Et donc, sachant que vous pouvez vous inscrire bien sûr à la bêta du jeu qui est actuellement ouverte. Si vous êtes un joueur Magic régulier de tournoi et tout, vous aurez votre clé bêta bien plus vite. Et voilà, donc ça va regrouper au fur et à mesure des mois et des années qui vont se passer toutes les cartes, sachant qu'actuellement sur Magic il y a un peu plus de 10 000 cartes disponibles sur tous les formats. Donc ils vont faire ça, on va dire sur les 5 prochaines années, il y aura tout le pool de cartes qui va exister. Donc ça augure vraiment du gros et du très très lourd si c'est vraiment mené à bien. Et c'est surtout beaucoup de dollars pendant plein d'années sans doute. Il y a des chances. Oui. Moi, je vais vous parler un petit peu de la Tokyo Game Show, du Tokyo Game Show. Donc, c'est le troisième gros salon après la Gamescom et l'E3. Donc, c'est à Tokyo, évidemment. La première conférence, je crois que ce sera Sony. Ça débute mardi à 9h chez nous. Sony, c'est un peu le plus gros éditeur de Tokyo en général, puisque c'est un éditeur qui est très acclamé là-bas. Ils ont une console puisque la Xbox ne marche pas du tout hein, au Japon, la Xbox One. Donc du coup, c'est plutôt la PS4 qui marche bien et aussi un peu Nintendo et ses consoles mobiles. Sonic qui nous indique quels seront les jeux qu'on verra durant le salon japonais. Du coup, il y aura les grosses écuries, Call of Duty World War II, Dragon Ball FighterZ, on en a parlé la semaine dernière, oui. Mm-hmm. Dynasty Warriors 9, Gran Turismo Sport, Marvel vs Capcom Infinite, ça a l'air bien. Ou encore Skyrim en réalité virtuelle, ce qui mm-hmm. pourrait être un très bon jeu aussi. Ah oui. Tout ça, ça sera annoncé, ce sera visible, pas forcément jouable, donc pas très intéressant du coup. Sinon, il y a Capcom aussi qui fait une conférence, rien de neuf. Des jeux jouables, mais qu'on connaît déjà, donc il y a Marvel vs Capcom Infinite. Il y a Resident Evil Révélation sur Switch. Donc déjà sur PC, il était pourri, alors sur Switch, j'ose pas imaginer. Monster Hunter Stories, Resident Evil 7 en Gold Edition sur PS4. Pas de trucs très intéressants. Square Enix présente pas mal de jouables aussi, mais ce sera surtout du Final Fantasy, parce que finalement, il n'y a que ça qu'on attend de Square Enix. Et puis après, il y a du Sega aussi qui va peut-être dévoiler quelques jeux en jouables. Certaines Magic Virtual One, je ne sais pas ce que c'est. Shin Megami Tensei, Hatsune Miku, Okuto Ga Gotoku. Donc vous voyez, c'est que vraiment des jeux très dédiés au marché nippon, ni mauvais. Ouais. Et du coup, voilà, il n'y aura pas... Après si, il y a peut-être Atlus avec le Shin Megami Tensei qui est un truc un petit peu mieux connu ici. Un jeu qui sortira sur 3DS. Bref, un salon à destination des Japonais avec des jeux orientés Sony quand même, parce que la Xbox One est la console dont tous les Japs s'embalèquent. Jérém, une autre info ? On a encore un peu le temps ? Encore un tout petit peu. D'accord. Donc juste très rapidement, c'est pareil, c'est un jeu encore un petit peu affectif. Ça s'appelle le Blood Bowl concrètement, c'est le football américain. Dans l'univers du Seigneur des Anneaux, dans l'idée, pour les non-initiés. Ouais. Donc concrètement, vous jouez des elfes, vous pouvez jouer des orques, vous pouvez jouer des ogres, des trolls. Le but du jeu, c'est de se mettre sur la tronche et ensuite de voir si la balle est encore disponible pour marquer éventuellement un touchdown. Les actions de plaquage justement sont rendues au ralenti. Vous voyez vraiment de très près. C'est vraiment visuellement excellent. Les commentateurs sont un troll et un gnome ils sont vraiment fandards. C'est les Grégoire Margoton et Christian Jean-Pierre. C'est exactement ça. Ils sont vraiment excellents. Ouais. C'est très très basé sur l'humour. Vous avez des magiciens, votre coach peut balancer une boule de feu sur le terrain pour arrêter une attaque adverse. Il y a vraiment, c'est totalement what the fuck, c'est génial. Et donc là, ils ont sorti une énorme DLC, donc qui va doubler le nombre d'équipes disponibles dans le jeu, le nombre de rosters. Donc vous en aviez 9 à la base, vous en aurez maintenant 18. Et donc vous avez des vampires, vous avez l'empire, vous avez les elfes, les hauts elfes, les elfes sylvains, vous avez les ogres, vous avez les hobbits. C'est que les elfes qui s'appellent Sylvain. Ah putain, oui, voilà. J'ai pensé à un truc comme ça. D'accord, j'abandonne. Et c'est génial à plusieurs surtout. Et c'est vraiment génial à plusieurs. C'est effectivement un jeu fait pour jouer online. Vous pouvez jouer bien sûr en solo, mais l'IA est un peu limitée quand même. Faut pas se mentir. Et en online, c'est vraiment génial. Et donc c'est du tour par tour, et vous pouvez jouer ça en enlevant le mode tour par tour, et là ça devient un petit peu plus compliqué à gérer toutes vos troupes, mais c'est du 11 contre 11 comme de la vraie NFL. C'est vraiment fandard, et n'hésitez pas, c'est par les studios Cyanide, ouais, dont tu nous as parlé juste avant, et c'est dispo sur Steam. C'était les éditeurs de Ben la semaine dernière, on a parlé de Tour de France 2016. De Tour de France et surtout de Call of Toulouse qui va bientôt sortir. Qui a l'air un peu mieux que Tour de France 2016, mais en effet. Si vous aimez le vélo, vous avez moins aimé Call of Toulouse. Exactement. On va passer au coup de gueule et au coup de cœur de la rédaction. Les coups de cœur et les coups de gueule. Et on commence avec toi, Ben. Quel est ton coup de gueule, coup de cœur de la semaine ? Alors, c'est un coup de cœur et relation avec le thème du jour de l'émission de cette semaine, qui est donc cinéma jeux vidéo. Je voulais parler du choix de l'actrice pour la prochaine adaptation au cinéma de Tomb Raider. Mm-hmm. Il s'agit d'Alicia Vikander, ouais, qui a joué dans Ex Machina avec Alex Garland, où elle cassait la gueule d'Oscar Isaac. C'était un film avec un cyborg, en gros, elle jouait une cyborg. Et là, elle jouera, pas une cyborg, mais une nana quand même assez balèze. On en attend pas mal, étant donné que le scénar aussi est inspiré du premier reboot de la saga en 2013 sur la jeunesse de Lara Croft. Donc on peut espérer retrouver le royaume. On va retrouver le royaume perdu du Yamatai avec les Solari, les gardes tempêtes. Donc ça peut présager du bon. Ok. Voilà. Et on en reparlera un petit peu tout à l'heure, puisqu'on va parler justement de Tomb Raider qui va ressortir dans notre débat tout à l'heure avec tous les jeux adaptés au cinéma. Jérém ? Alors, une fois n'est pas coutume, ça sera un coup de cœur aussi pour cette semaine. Bah comme quoi. Hein. On a des bons caractères, on est des bonnes personnes. Oui, voilà. C'est ça. Alors pour les personnes qui s'intéressent un petit peu, ou vous l'avez peut-être même vu passer à la radio, voire à la télé sur BFM et un peu tous les médias, le week-end dernier, il y a eu Zerator qui a fait un stream donc de 50 heures, donc chez lui dans sa maison à Montpellier a priori, avec 30 streamers. Alors les streamers sont connus pour du grand public, d'autres beaucoup moins. Et le coup de cœur, c'est et donc tous les dons qui ont été récoltés pendant ce week-end de là, enfin pendant ces 50 heures, ont été reversés pour une fondation pour les victimes de l'ouragan Irma. Mm-hmm. Et donc ils ont récolté 450 000 euros en 50 heures. Ah ouais. Donc c'est loin d'être négligeable, clairement. Et voilà, ça montre que les gamers et les geeks, et on va appeler ça comme vous voulez, peuvent être finalement des personnes sociables et aider leurs prochains et ne pas rester cloîtrés chez eux à glander devant leur PC. Couper du monde, quoi. Voilà. En effet, c'est une bonne initiative que tu as bien fait de souligner. Mon coup de cœur, moi, c'est Dead by Daylight. C'est un titre qui est fait par Behaviour Digital. Il sera jouable gratuitement sur Steam. Enfin, il est jouable en ce moment gratuitement sur Steam jusqu'à demain 22h. Je vous conseille d'y jouer. C'est sorti sur PC en juin 2016, sorti aussi sur PS4, Xbox One. C'est un jeu multijoueur où, en fait, c'est ce qu'on appelle un gameplay asymétrique, c'est-à-dire qu'il y a un joueur qui joue un camp et les autres joueurs jouent contre lui, et en fait le jeu met en scène quatre victimes potentielles, encore une fois dans les bois, on y revient. Je crois qu'il y a un souci. Ouais, qui doivent survivre. Qu'est-ce qui peut arriver dans une forêt? Non, rien. Qui doit survivre à un tueur, et donc il y a un de vos amis qui joue le tueur qui doit vous retrouver pour vous tuer, et il y a les quatre joueurs qui doivent s'échapper dans des niveaux générés aléatoirement. Ça peut être des vieilles caves, ça peut être des des vieilles usines, ou ça peut être des forêts. Des vieux trucs, quoi. Des vieilles forêts aussi. Oh, c'est que des vieux trucs. Ouais. Mais, du coup. Comme dans Kaamelott, pareil. C'est mystérieux, quoi. C'est mystérieux, exactement. C'est super sympa à jouer parce que, déjà, c'est sympa d'être quand t'es le méchant. Mais c'est aussi sympa de jouer en relation avec ses potes pour essayer de survivre. En sachant qu'il y a, par exemple, on peut mettre des trappes, comment on appelle ça? Des choses trappes, là. Des trucs pour les animaux. Des pièges. Des boules, des collets. Des pièges. Des colis fichés. Des colis fichés. Et, voilà. Donc, c'est super sympa à jouer. Je vous conseille d'y jouer parce que c'est gratuit jusqu'à demain 22h, c'est sur Steam, sur PC. Il suffit juste de se rendre sur la page du jeu et voilà. On va se retrouver tout de suite après pour la suite de l'émission. On va écouter une autre musique que vous connaissez tous. Et oui, tous, parce que ça vient de FIFA 98. N'oubliez pas les pages Facebook GameTrip.net et BLE Radio Officiel pour nous parler et donner votre avis sur les jeux vidéo au cinéma. On en parle tout de suite après la musique. C'est Shumba Wumba Thumb Turning. Putain, j'ai réussi à le dire. Génial. It's a whiskey drink, it's a vodka drink, it's a lager. Vous écoutez BLE Radio partout en Lorraine sur bleradio.fr. BLE Radio. Et nous sommes de retour après cette musique de FIFA 98 en route vers la Coupe du Monde, je crois que c'était celui-là. On va parler du test de la semaine cette fois. C'est un jeu récent. Oui, qui n'est d'ailleurs pas encore sorti, qui est encore en bêta actuellement. Tellement récent qu'il n'est pas sorti. C'est ça, c'est failli. Voilà. Donc moi je suis là pour vous parler de Hand of God. Il y a peut-être des gens parmi vous qui connaissent les CCG, encore pour en reparler, parce que c'est un petit peu mon fond de commerce. Pour Hearthstone en particulier, donc le CCG très très connu de Blizzard. Actuellement, il y a beaucoup d'éditeurs qui essayent de sortir, qui essayent de concurrencer un petit peu Blizzard par rapport à cet opus-là. Vous avez actuellement le Gwent qui est issu de The Witcher 3. Si des gens ont joué à The Witcher, c'est un petit jeu dans le jeu qui est devenu maintenant un jeu à part entière et qui va avoir son circuit professionnel e-sport. Waouh! Spécial dédicace à Jonathan. Ouais, j'adore ça. Et donc là, en fait, c'est pour vous parler de End of Gods qui est développé par IRES Studio. Ça me dit quelque chose. Smite? Oui, voilà, c'est Smite. Ouais. Bah, en fait, à la base, il s'appelle Smite Tactics. Enfin, c'est le deuxième nom de End of Gods, en fait. Mm. C'est Smite Tactics. Et donc Smite, c'est un MOBA donc, qui concurrence plus ou moins, enfin, qui essaie de concurrencer Dota 2 et League of Legends. Alors, pour Ben, un MOBA. Hein, comment? Qu'est-ce que vous dites? Un MOBA, et non pas un mobile pas. Un MOBA, c'est un... Bah, il a l'air de savoir. Un milieu ouvert pour les batailles... En arène. Alors vrai, franchement, je t'avoue que l'acronyme... Ouais, bah du coup, ça pourrait être traduit comme ça, plus ou moins. En fait, concrètement, tu dois défendre... T'es sur une carte prédéfinie, tu dois défendre tes tours, t'as des héros... Enfin, chaque joueur va jouer un héros, en général c'est du 3-3 ou du 5-5. Et voilà, tu dois défendre tes tours et t'as une tour plus importante que les autres qui doit être détruite pour gagner tout simplement la partie. C'est un multiplayer online battle arena. Voilà. Arène de bataille en ligne multijoueur, tu avais raison. Ah là là, et Dota est le premier du genre, plus ou moins, c'est celui qui a créé le genre. C'est ça. Ah là, Ben, quel talent. Un instinct incroyable. Quoi. Et donc du coup, pour revenir à ce test, a priori, il fallait que j'y revienne. Donc le jeu, alors ça va être un mix de jeux de cartes, pour revenir sur Hearthstone, et de XCOM, c'est pareil pour les initiés. XCOM, c'est donc un jeu qui se déroulait vous étiez des sortes de marines, et vous deviez purger la terre de des extraterrestres, les gros vilains extraterrestres qui venaient ruiner la planète. Ou les différentes planètes, du moins. Concrètement, ça va se passer de la façon suivante. Vous aurez une collection de cartes que vous allez, à un moment ou à un autre, vous allez devoir ou payer avec votre carte bancaire ou demander à vos parents ou alors... Ou taxer des petites vieilles. Taxer des petites vieilles, ça marche aussi. C'est un jeu de cartes bancaires. C'est un jeu de cartes qui peut se révéler bancaire, effectivement. Oui. Et non, sinon, tout simplement, vous allez faire vos quêtes journalières dans le jeu qui vont consister à battre un certain nombre d'ennemis et tout ça, enfin de joueurs. Et vous allez accumuler de l'argent, tout simplement. Et avec cet argent, vous allez acheter des paquets de cartes. Et les paquets de cartes vont vous donner... vous aurez des cartes rares, des cartes communes, des cartes... Comme dans tous les jeux de cartes, tout simplement, des cartes légendaires. Et vous allez vous faire votre petit deck de cartes avec ça et votre armée. Et ensuite, vous allez choisir, on va dire, un thème d'armée. Et donc vous aurez le choix entre 5 mythologies. Alors il y a un petit peu de culture là derrière qui est pas négligeable non plus. C'est ça qui ressemble vachement à Smite, c'est que c'est des dieux mythologiques. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Là vous allez pouvoir donc incarner ou Zeus, donc pour la mythologie grecque, Bellone, la déesse romaine de la guerre. Il y a Ra, c'est comme Bruno Bellone. J'allais dire ça. Voilà, on a tous pensé au même. Donc Ra, le grand dieu égyptien. Il y a aussi la mythologie chinoise avec Nuwa, donc qui est un peu moins connue du grand public, je pense. Il n'y a pas Shiva ou un hindou Non, il n'y a pas d'hindou. Enfin, du moins, pas pour l'instant, je peut-être crois dans que, les je DLC. Je crois que c'est prévu, ouais. Ouais, voilà, il y a clairement moyen d'en rajouter. Et il y a Odin dans la mythologie nordique, l'énorme dieu guerrier. Et donc, vous aurez une arène qui va s'ouvrir quand vous lancez une partie. Vous aurez votre dieu à gauche et un dieu à droite. Et ce dieu protégera une statue qui aura donc 25 points de vie. Mmh. Et tout simplement, quand vous allez poser des cartes, au lieu que ça pose juste une carte sur un terrain comme dans Magic, vous allez poser en fait une unité physique sur le champ de bataille. Donc des fois, ça pourra être des dieux secondaires, on va dire ça secondaire, mais ça peut être Athéna, ça peut être Aphrodite, et pour les Grecs. Et, et bien d'autres pour les autres mythologies. Et donc chaque carte va avoir des pouvoirs bien spécifiques qui vont infliger des dégâts, par exemple à telle classe ou à telle unité en face. Et donc vous allez ça va être réparti le champ de bataille sur 8 cases en longueur et 5 cases en hauteur. Et tout simplement vous avez une faculté de déplacement pour chacune de vos unités. Et le but du jeu, c'est de s'approcher de la statue adverse et de flinguer la statue adverse en donnant des coups avec vos unités, tout simplement. Et de lui enlever ses 25 points de vie. Et une fois que ces 25 points de vie sont enlevés, vous gagnez cette manche-là. Et chaque partie se joue en deux manches gagnantes. Donc. C'est du super classique. Donc. C'est du très classique. Après, ils essayent d'innover, en fait, parce que c'est une réunion de deux styles de jeu qui n'a pas vraiment été faite avant. Après, qu'est-ce que ça va donner? Bah justement, donc moi je l'ai testé quand il était encore en bêta fermée. Mmh. Donc niveau graphique, c'est pas terminé clairement. Il y a des points très marrants parce que bah, c'est innovant, voilà. Mais le problème, c'est qu'on se dit toujours malheureusement non, mais on en reviendra toujours à Gwent pour l'originalité parce que c'est un système de jeu qui est totalement différent encore. Et que Hearthstone, malgré tout, reste plus abouti, en fait, à beaucoup de niveaux. Donc, est-ce qu'il va réussir à se faire une place dans ce paysage? Personnellement, j'en doute un peu. Après, ils font beaucoup d'OPSP en ce moment, donc ils donnent, concrètement, il y a beaucoup de streamers qui sont, entre guillemets, payés pour y jouer. Ils font pas mal de pubs, donc est-ce que ça va payer? On verra ça d'ici quelques temps. Ok, super. Bah, il y a une sortie, tu nous as dit? Ça devrait sortir tout début d'année prochaine. Alors, donc là, c'est déjà jouable actuellement, mais la release officielle, ça sera tout début d'année prochaine. Ouais. Et je suppose que sur PC? Ça sera, a priori, c'est sur PC. Honnêtement, je vois mal. Enfin, oui. Pour moi, c'est pas un jeu de console, quoi. Non. Je vois pas ce que ça aurait à faire sur console. Ça peut être un jeu de Facebook. Ça vous dit ouais, non, ouais, s'il te plaît, le dis non, pas non. Ça il va s'énerver. Non express, non de tablette à la limite, mais de téléphone non. Bah Hearthstone est bien sûr tablette. Oui, bah, c'est pour ça que je le dis. Ben tout de suite tu penses à mal. Je pense. On écoute un petit peu d'ailleurs la musique qui montre bien du trailer épique et collégramme. Sur ce bon mot, je m'en vais et sur ce bon mot, on va surtout parler en parlant de bon mot, tiens. Oh, tu m'as... L'histoire au coin du feu de Benjamin. Oui. Benjamin. Oui, c'est moi. Vu qu'il fait beau. Bon, ouais, il fait beau, le ciel est bleu en tout cas. Exactement. Quel est ta... Je chante à priori. Chaque semaine, hein, on le rappelle, chaque semaine, sauf la semaine prochaine peut-être, chaque semaine à la même heure, Ben nous parle de ses aventures et péripéties imaginaires qui lui arrivent lorsqu'il joue. Mais émission spéciale oblige... Il ne pouvait pas passer à côté de l'occasion pour nous parler d'un autre art moderne cette fois. Et on parle de cinéma, mais aussi un petit peu de jeux vidéo. Ouais, tout à fait. Alors déjà, une première question que je souhaitais vous poser, les amis. Est-ce que vous avez déjà eu envie de faire l'amour à votre console? Alors, ma femme écoute. Non, moi, c'est plutôt de lancer les manettes dessus. Après, ça dépend de la conception. C'est une forme de sexualité, quoi. Bon, alors je vais vous parler d'un film qui devrait vous plaire. Excusez-moi. Il s'agit donc d'Existence, réalisé par David Cronenberg et sorti en 1999. Donc je vous balance un peu le... Ah, oh, écoutez. Je comprends pas, c'est en anglais. Au secours. In the not too distant future, ah, dans un futur pas si distant. C'est comme dans une galaxie pas très très très lointaine, ouais. En fait. Voilà, donc on entend la voix de Jennifer Jason Leigh. Voilà, Existence. Il a tout dit. X majuscule, Z majuscule, et ce n'est pas pour rien, je pense. Donc, on entendait la voix de Jennifer Jason Leigh, qui joue la game designer Allegra Geller, qui est victime au tout début du film d'un attentat lors du premier essai public de son nouveau jeu de réalité virtuelle baptisé Existence. Elle est adulée par tous les joueurs et donc elle est victime d'une attaque des gens qui sont contre les jeux des réalistes, ils appellent dans le film. Et donc elle est exfiltrée par Ted Peichel, incarné par Jude Law, qui est un stagiaire en marketing qui n'y connaît rien à cet univers incroyable. Et elle va l'initier au jeu, le connecter au jeu, tandis que réalité et fiction semblent s'entremêler de plus en plus. On pense un peu au personnage de James Ballard dans Crash, le précédent métrage de Cronenberg sorti 3 ans plus tôt, parce que Ted Peichel vit une brutale initiation au sein d'une caste dont les membres entretiennent une véritable relation charnelle avec les obscurs objets de leur désir. Donc les voitures accidentées et les prothèses métalliques, ça c'était dans Crash. Edge of Existence, c'est plutôt d'élégants et gémissants GamePod faits de chair synthétique. Qu'on peut monter, donc. On peut les monter de plusieurs façons possibles. On s'y branche par des ombilicables qui ressemblent à des cordons ombilicaux. C'est comme dans Avatar, en fait. C'est exactement ça. C'est comme dans Avatar. J'aurais pas trouvé meilleure comparaison. Alors, c'est beaucoup moins... justement, Avatar, c'est bourré d'effets spéciaux numériques. Ce qui n'est pas du tout le cas d'Existence, qui est vraiment du 100% artisanal et très organique, comme la plupart des films de Cronenberg. Voilà, on a cette séquence incroyable où on a William Dafoe qui s'approche de Jude Law avec son énorme engin, qui est prêt à lui trouer le bas du dos pour lui poser un bioport. C'est indispensable à la connexion via un GamePod. Voilà, vous avez un trou dans le bas du dos. Donc, voilà, c'est l'univers magique de Cronenberg qu'on retrouve avec ses artefacts organiques dégueulasses, ses innombrables références à la sexualité et à notre relation aux machines et à la technologie. Et d'ailleurs, qui n'a jamais rêvé de posséder un pistolet à dents formé d'ossements d'amphibiens mutants ? Personne. Voilà. Donc, voilà, c'est un peu la première chose qu'on retient dans un film comme Existence. Ce sont ces objets cronenbergiens, cette ambiance malsaine permanente. Et donc, contrairement à d'autres films qui abordent la réalité virtuelle, on n'a aucune trace de high-tech, on n'a pas d'environnement aseptisé, de salles de connexion avec des écrans géants qui flottent. Ici, on installe le matériel dans une station-service, on se connecte dans un abattoir ou dans l'arrière-boutique d'une boutique louche. Tout est sale et organique. Mention spéciale à la fabrique de GamePod, absurde et grotesque, comme le définit à merveille le jeune Pycole. Donc, quand on se penche sur le scénario et le jeu d'acteur, on se dit, comme le pense Jérémy, il ne le dit pas pour l'instant, mais que voilà, Existence, c'est pas le meilleur film de Cronenberg. L'intrigue, qui joue essentiellement sur les différents niveaux de réalité, est un peu difficile à suivre. Les acteurs surjouent totalement. Les métaphores sexuelles sont si peu subtiles qu'on se demande si tout cela est bien sérieux. Eh bien non, Existence, à l'image de son sujet, grand X, grand Z, donc voilà, X pour le cul, Z pour la série Z. Existence est dans il le aurait second pu faire Existence avec XD, ça aurait été plus marrant. Et ça aurait fait quoi? Attends, je comprends pas la référence. XD, en fait. LOL. Ah ouais, ok, émoticône renversé, d'accord. On est loin, on est très loin. On partit très loin. Et voilà, Pycole et Geller, incarnés par Jude Law et Jennifer Jason Leigh, sont eux-mêmes des personnages, des archétypes, des caricatures dans un monde où tout est potentiellement faux. Même le thème, comme souvent chez Cronenberg, est trompeur. On ne parle pas ici de jeux vidéo, de réalité virtuelle, mais bien des corps, de leurs pulsions impossibles à réfréner, d'infection de la réalité par le fantasme, et inversement. Ici, la prudence et la concentration nécessaires à tout bon joueur virent rapidement à la méfiance, à la paranoïa, voire à la schizophrénie, comme pour nous rappeler que si nos jeux de rôle semblent des inventions complexes de notre esprit, les sensations qu'ils procurent sont avant tout le produit des solutions chimiques qui circulent dans notre chair. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, croyez-moi, lorsque vous aurez vu Jennifer Jason Leigh titiller les excroissances de son GamePod, vous ne regarderez plus jamais votre console comme avant. Eh ben, on va aller le regarder, bien évidemment, en version légale, dès ce soir, n'est-ce pas? C'est ça, vous le trouvez en DVD à 1€ à peu près, je pense. Oui, bah, c'est ce qu'il vaut. Hein. Oui, c'est, il vaut pas. Ah, plus. On écoute Linon de Major Lazer et on revient juste après. Do you recall, not long ago, when you walk on the sidewalk? Innocent, remember, all we did was care for each other. But the night was warm, we were bold and young. All around, the wind blows, we would only hold on to let go. As the waves roll over, and the nights are long, longing for you to come home. All around, the wind blows, we would only hold on to let go. Somebody to lean on. Vous écoutez BLE Radio partout en Lorraine sur bleradio.fr. De retour sur Game Trip FM, la radio des jeux vidéo oldies, mais pas que. Et ben pour le coup, là, on va parler oldies justement avec les news qu'on a compilées cette semaine, parce que oui, même dans le monde des oldies, il se passe des choses. C'est incroyable. C'est l'ancien, mais maintenant. Donc, je m'en fous. L'ancien n'a jamais été aussi neuf. Aussi neuf, exactement. Voilà. Le premier truc qu'on a entendu cette semaine, c'est ce remake HD pour Tomb Raider 2. Alors, ça fait 20 ans déjà que Tomb Raider 2 est sorti, 20 ans. Et c'était, je sais pas si vous vous en souvenez, Tomb Raider, c'était cet épisode où Lara Croft partait un petit peu partout dans le monde, sur la muraille de Chine, à Venise, sur les plateformes pétrolières, au Tibet. Je me souviens pas du tout de où elle allait, en fait, je me souviens juste de... Elle ressemblait. Voilà. Et ben, ça va revenir en HD. Nico Bass, c'est le mec qui a refait cette, on va dire, cet épisode en HD. Il adore Tomb Raider 2, il l'adore tellement qu'il en a fait donc ce remake avec l'Unreal Engine. Donc l'Unreal Engine, c'est le gros moteur de jeu qu'on a connu à l'époque avec Quake. Et Unreal. Unreal et Quake. Et ensuite, qui a fait les beaux jours de tous les jeux d'action. Plein de jeux, ouais. Voilà. Et ça, donc là, il y a déjà une démo jouable du premier niveau sur la muraille de Chine qui est disponible sur son site internet. C'est hyper joli. Ça ressemble vraiment aux anciens Tomb Raider, mais ça ressemble vraiment à un remake HD. Donc c'est super cool. J'ai cru que tu allais dire, ça ressemble vraiment à la muraille de Chine. Et ça ressemble vraiment à la muraille de Chine, moi qui ne suis jamais allé là-bas. Mais c'est pas là où elle faisait de la moto sur la muraille de Chine et tout? Si. C'est dans celui-là. Ah oui, bah, oui, j'ai dû y jouer. Alors. Et bah, on espère que son projet arrivera à son terme parce que bah, du coup, c'est un gars tout seul qui fait ça. Et, mais en tout cas, la vidéo donne déjà pas mal envie et vous pouvez aller télécharger la démo sur le site de Nico Bass. Ça se trouve évidemment dans la partie news de GameTrip.net et puis vous en profiterez aussi pour aller relire notre test du jeu sorti sur PlayStation, c'était il y a 20 ans, et c'est également sur GameTrip.net. On reparle aussi de la Super NES Mini. Le 29 septembre, donc dans pas longtemps, la mythique Super Nintendo va revenir rétrécie dans une petite boîte avec 20 classiques et un titre inédit. La question était de savoir si on allait galérer à en avoir, parce que la NES classique, donc sa petite sœur, qui est sortie il y a pas longtemps, tu l'as eu ? Je l'ai précommandé. Ah voilà. Bah, le problème c'était ça. Le problème c'est qu'il n'y en avait pas beaucoup, c'était que pour les Américains en gros, et que les Français, ils l'ont eu un petit peu dans l'os, parce qu'il n'y avait pas assez de stock. Et la question qu'on avait posée la question qu'on a posée à Super Mario, justement, qui est au chômage désormais, est-ce qu'on va avoir davantage de Super NES Classic Edition que de NES Classic Edition? Est-ce que les arrivages seront plus réguliers? Oui, il y aura des nouveaux arrivages en magasin. C'est une volonté de Nintendo, visiblement, de répondre à la forte demande qu'avait eu l'hiver dernier, justement, avec sa petite sœur. Et Nintendo a également précisé sur Twitter que les stocks seront fournis en permanence en Europe jusqu'en 2018. Ce sera sans doute donc pendant 6 à 9 mois, ce qui permettra d'écouler des stocks. Et pour éviter la spéculation aussi, parce que, parce que c'est pas très bon pour l'image de la marque, ça se revend très cher au marché noir. Et par contre, est-ce que tu as une idée de parce que tu dis 20 gros jeux, c'est quoi? Tu as une idée de 3-4? C'est des classiques de la marque. Hein, c'est genre les Super Mario. Les Super Mario, Donkey Kong Country. Voilà. J'ai pas la liste. T'as Secret of Mana, t'as un Final Fantasy. Ah, ouais. Cool. T'as Star Fox, Star Fox 2 qui est jamais sorti. Oui. Et qui. Tant qu'il y a un Final Fantasy et Secret of Mana, ça va. Ça va, ouais. Le Star Fox 2 a été programmé à l'époque, mais il n'est jamais sorti, et du coup ils le sortent en version donc simili HD. Mais ça sera une seule cartouche où il y a 20 jeux dessus, ou ça sera 20 cartouches? En gros, non, concrètement, les NES classiques, concrètement, c'est un Raspberry Pi avec les jeux dessus, donc un émulateur avec des jeux dessus, et il y a juste une console fabriquée autour qui fait genre c'est une ancienne console. Mais concrètement, si vous avez un Raspberry à la maison avec RetroPie ou n'importe quel émulateur qui permet d'embarquer 40 000 jeux, vous pouvez avoir ça pour moins cher. Le Raspberry, ça coûte 40 euros et les jeux, c'est gratuit sur internet. Là, on est à 80 euros, je crois, à peu près pour la Super NES. Ce sera un peu moins cher, je crois. Pour la NES, cet esprit-là, je crois que pour la SNES, ce sera un petit peu moins cher. En tout cas, un petit détail aussi, la NES Classic Edition, du coup, donc la petite sœur, qui a été en rupture l'hiver dernier, elle aussi va revenir en Europe à l'été 2018. Ça, c'est aussi une autre info qu'on a eue cette semaine. Donc, du coup, il va y avoir un arrivage de toutes les consoles. Nintendo pour l'été prochain, et ça va déjà même commencer au début de l'année. Ça, si vous pouvez pas partir en vacances au soleil, hop, bim, hop, console. On peut jouer à Super Mario. Voilà. Un petit mot aussi sur Samurai Riot. Alors, c'est sorti mercredi dernier. C'est un action beat'em all de Wako Factory. Alors, c'est un jeu récent. Hein, ça vient de sortir. Hein, c'est pas une réédition. Ça joue en deux, en local ou en solo, et c'est de la baston type jeu d'arcade des années 90, comme l'excellent Street of Rage que je vous invite à aller lire également sur Game Trip. Mais entre samouraïs. Alors, le jeu propose d'incarner en fait Tsukane ou Tsurumaru. Ah. qui ont pour mission de mettre fin à la guerre civile qui fait rage dans leur pays. C'est deux samouraïs, du coup. C'est super bien foutu. Le style graphique n'est malheureusement pas un hommage. En fait, c'est un hommage dans la technique au jeu de l'époque. Mais concrètement, le style graphique, c'est... si vous connaissez des jeux type Habbo Hotel ou des trucs en flash de concepteurs obscurs, ah oui, qu'on trouve des jeux Facebook, quoi. Voilà, des jeux Facebook. Ah ben, je n'osais pas le dire. Ça ressemble un peu à ça. Mais non, c'est sorti c'est sur... C'est pas du Neo Geo, quoi. C'est pas les beat'em all de Neo Geo, quoi. Non, on n'y est pas. C'est sorti sur PC. C'est français. Donc, on le salue parce que ça vient de Nantes. Et c'est leur premier jeu. Ça restera pas dans les annales. Hein. On salue le geste quand même, puisque c'est un petit hommage. Et puis, d'autres infos sur des vieilles consoles cette fois. Les deux nouvelles consoles d'Atari en images et en précommande. L'Atari 2600, donc c'est la vieille console d'Atari, qui va revenir fin novembre avec une édition portable très belle. On vous avait déjà parlé, on en a parlé dans l'émission 0 qu'on n'a jamais diffusée. L'Atari 2600, c'est cette console qui ressemble à un bureau de PDG en bois, en noyer. En ronce de noyer, ouais. En ronce de noyer. Ouais. Atari va ressortir donc cette A2600, la console la plus vendue de sa période constructeur. Ça surfe un petit peu sur la vague SNES Mini, NES Mini, bon voilà. Atari a puisé donc dans son stock pour aller trouver le truc qui a le plus marché. Et on a un petit peu plus d'infos. Vous irez voir sur GameTrip.net aussi. On a mis les photos, les vidéos de ce nouveau Atari 2600. Ça ressemble à une console portable, clairement. La taille d'une 3DS, plus ou moins, en ronce de noyer, avec un écran 2,4 pouces. Donc c'est un bon truc déjà. Il y a une sortie AV pour le mettre sur sa télé. Et le truc, c'est que ça marche à batterie, à pile. La pile AAA. Ah ouais. Voilà, donc du coup, c'est vraiment Game Boy, mais avec l'Atari 2600. Quoi. Ils sont oldies aussi dans l'alimentation. Ah, mais ils sont oldies dans l'alimentation, exactement. Ouais, donc il y a des jeux qui coûtent cher en carte, et là, c'est qui coûtent cher en pile. Quoi. Ah oui, non, mais là, clairement, tu joues, si c'est les piles de maintenant, tu peux jouer, je sais pas, quelques heures, quoi, une demi-journée. Si tu branches sur la télé, tu joues 10 minutes. Quoi. Ah oui, en plus, une télé en sortie AV, hein, donc pas en sortie HDMI. Oui. Ouais. Donc qualité pourrie. Bah qualité non, qualité normale quoi, on va dire. Oui. Mais voilà. Donc c'est bizarre quand même de ressortir une console toute neuve et de d'utiliser des vieux ports et des vieilles alimentations. Et il y a aussi une deuxième console qui n'aura pas plus d'intérêt parce qu'en fait c'est juste un hommage, c'est le joystick des anciens Atari, mais en fait c'est une console portable mais qui ressemble à un joystick. Donc voilà, voilà. En fait, c'est encore une fois, c'est une console d'émulation qui ressemble à un joystick, mais concrètement, si vous avez un Raspberry chez vous, bah vous pouvez la faire vous-même et voilà. Ouais, mais ça décore mieux qu'un émulateur. En voilà, fait, c'est juste très joli, c'est vraiment hommage. Et bah lui, ce sera pareil. Il y aura une sortie AV pour la télé. Et puis ça coûtera 27 euros. L'Atari 2600, ça coûtera 38 euros. Et sur les deux, vous aurez droit à 50 jeux de la marque dessus. Oui, c'est pas très cher. Ouais. Ça voilà. Va. Le tout, ça sortira fin novembre et c'est déjà en précommande sur le site du co-constructeur P-Cube. Et si vous voulez en savoir plus, évidemment, n'hésitez pas à aller sur GameTrip.net. Voilà, c'est tout pour les news. Il y en avait encore un petit peu plus, mais on est un petit peu à la bourre, donc on va passer à la. À quoi on va passer maintenant? Je ne sais plus. La musique. Aidez-moi, la musique. La musique, musique de la dans semaine. La musique. Il n'y a pas de jingle. Donc on met pas de jingle. On s'en fout. On est comme ça. Chez BLE Radio. C'est bien, tu me fais des jingles. Donc ouais, chaque semaine, on parle d'une musique emblématique du jeu vidéo. Et alors, je ne sais pas si vous savez que c'est une musique de jeu vidéo, mais si quand même, on va parler de cette musique. Vous la connaissez forcément tous, puisque c'est la musique de Mortal Kombat. Cette musique, elle a été créée pour le jeu d'arcade en 92-93. Elle a été reprise ensuite dans le film avec Christophe Lambert en 95. C'est l'heure de la présentation à la Foire du Trône. Et en fait, le succès, il n'est pas venu de la version console, mais il est venu du film, évidemment, parce que ça s'est retrouvé dans la BO du film. On l'entend dedans, il parle de tout le monde, il parle de Raiden, Liu Kang, Johnny Cage, Sub-Zero. C'est exactement cette musique. Ouais. Ah, il y a eu plusieurs un remix. Orchestrations. Non, c'est vraiment celle-là. Il y a tous les grands combattants là qui sont donnés qui sont déclamés après ce Mortal Kombat qu'on entend à fond. Là. Tu peux nous en faire après ce quoi? Il dit quoi exactement? Voilà, Liu Kang, Raiden. Ouais. On dirait le générique des Minicum. Exactement, ici tout le monde. Alors, est-ce que vous le savez, ça vient d'un groupe belge des années 80, qui vient d'Anvers, qui s'appelle The Immortals. Ils ont fait un peu plus tard la BO d'Austin Powers ou de Sucker Punch. Bon, voilà. Okay. Et c'est un groupe donc de techno-indus, on l'entend bien, qui fleure bon les syntaches de l'Eurodance des années 90. Le truc marrant, c'est que cette première œuvre, c'est une version techno qui n'est pas nommée Mortal Kombat, mais qui est nommée Techno Syndrome. Et en 93, deux ans avant le film, le single a été utilisé pour teaser le jeu qui allait sortir. Et ensuite, ça a été utilisé par la bande-son officielle du jeu, composée donc par les membres du groupe, un groupe qui s'appelle en réalité Lords of Acid. Et la BO qu'on entend là, cette version nommée Techno Syndrome, elle a été réutilisée ensuite, donc avec ce mec qui hurle, pour teaser le film dans le commerce. Et ensuite, il a été placé dans la BO officielle du film, avant d'être reprise, alors ça c'est encore marrant, elle a été reprise derrière sur le jeu Sega CD quelques années après. Donc ça vient d'un jeu, ça a été reprise par le film, réorchestré, ça a été réorchestré pour le remettre dans un autre jeu. Alors qu'on aurait pu prendre le premier. Je suis un peu perdu, moi. On est samedi matin, il est tôt. Enfin bref, Mortal Kombat, voilà. Pour les plus vieux, cette musique, surtout, ça a fait le buzz sur Internet parce que c'est l'un des premiers de l'histoire de Dailymotion puis de YouTube. Un premier buzz dans une vidéo de deux gamins qui s'amusent à faire des pauses et des combats dans leur chambre sur cette musique. Ils font du lip-dub. Ce duo, c'est Anthony Padilla et Yann Aycox en 2005. Et jusqu'à leur séparation en juin, c'était le duo Smosh. Smosh, c'est l'une des chaînes d'humoristes YouTube américaines la plus fréquentée au monde. Ils ont plus de 23 millions d'abonnés, ils ont plus de 6 milliards de vues. Et leur vidéo, là, cette vidéo où ils sont en train de reprendre ce truc en 2005 quand ils sont gamins, c'est 30 millions de vues aujourd'hui. C'est un des premiers Despacito d'Internet. Et oui. Quelle référence. Et voilà. Et du coup, cette musique a retrouvé une nouvelle jeunesse, en fait, près de 20 ans après sa sortie. Et c'est magnifique. Despacito a quand même pas fait 30 millions. Il a fait 4 milliards et demi. 4 milliards, ouais. Sérieux ? Ouais. Despacito ? Ouais, c'est le titre le plus écouté de l'histoire d'Internet. Et on écoute encore un petit peu d'Acid House. Mais pas trop quand même, parce que faut pas déconner. Ça se fait saigner les oreilles. Voilà, quand même, on va pas aller plus loin. On se retrouve tout de suite après cette dernière musique. C'est obligé, nous sommes dans une émission spéciale jeux vidéo et cinéma. Et donc forcément, de quoi on va parler tout de suite après, on va parler de ces films qui ont été, enfin de ces jeux qui ont été adaptés en film. Et pour nous accompagner jusqu'à la dernière partie, ce sera Iron Man de Black Sabbath, forcément, puisque émission spéciale cinéma. On se retrouve tout de suite après, donc, quand les deux arts se télescopent. Téléportation, mais je spoke, c'est pas pareil, ça. J'ai mixé deux trucs. Bon, bref, vous m'avez compris, c'est tout de suite après sur BL Radio. On se retrouve après Black Sabbath. Tu chantes bien. Sacrilège Ben, quoi. Et on est de retour sur Game Trip FM pour la dernière partie, donc sur ce débat cette semaine, émission spéciale, les jeux vidéo adaptés au cinéma. On va parler de ça et on va commencer par un voyage dans le temps, c'est obligé, hein, Game Trip oblige. On va parler des adaptations, alors pas des animes, hein, pas des animés genre Final Fantasy, les OAV, tout ça, parce qu'il y en aura tellement qu'on pourrait pas faire le tour. On va repartir un peu dans le temps avec les films déjà sortis et les premiers connus. On va dire le premier connu, celui qui a lancé tout ça, c'est Super Mario Bros, le plus vieux que j'ai retrouvé, 1993, avec Bob Hoskins et Dennis Hopper, quand même, on l'oublie souvent. Oh, Bob Hoskins, Monsieur Mouche, par exemple, dans Peter Pan. Ah oui. Oui. Monsieur Mouche. Et puis, Dennis Hopper, qui est un énorme acteur, et puis là, c'est Bob son meilleur rôle. Bob Hoskins, c'est aussi Roger Rabbit, le flic dans Roger Rabbit. Oui, le détective, d'accord. Voilà. Ah, oui. Donc très très souvent considéré ce film-là comme un pur nanar. Il a une fanbase énorme pourtant sur internet, comme tous les nanars, hein. Et il est tellement nul qu'il en devient attachant en fait. Je sais pas si vous l'avez vu, il y a Mario et Luigi qui sont transportés dans une autre dimension, un cyberpunk un peu à la Blade Runner. Ouais, ça n'a rien à voir avec l'univers du Super Mario. Mais ils doivent affronter des Koopas qui ont kidnappé la princesse Daisy, et les Koopas c'est des Vélociraptors, des hommes lézards qui sont mieux foutus que les Killer Croc de Suicide Squad. C'est pour dire comme quoi, voilà. Mais mine de rien, les animations sont pas si dégueu, j'ai revu hier, mais ça ne veut rien dire. Ça part dans tous les sens. On sent que les créateurs n'ont jamais joué à ce jeu. Il y avait juste un filon et il fallait l'utiliser. Oui, ouais, voilà. Après, ouais. tu prends la licence et puis tu surfes dessus. C'est pas déconnant dans l'absolu, l'idée. Après, ce qui est déconnant, c'est que quand t'as des fans derrière, dès que tu fais des conneries, forcément. Ah oui, bah là, t'en prends pas. Il y avait pas assez de fans de jeux vidéo à l'époque. Ils se sont dit, c'est pas grave, on va se foutre de leur gueule. Ouais. En même temps, chaud à adapter quand même, hein, Super Mario. Des mecs qui courent sautent sur des carapaces et qui sautent dans des. Dans des tuyaux. Oui, niveau voilà. Background, on a connu mieux, quoi. C'est ça. Bah, du coup, ça a lancé le début d'une histoire d'amour entre les jeux vidéo et le cinéma, et surtout le début d'une série de navets. Alors, le vrai début, moi, ce que je considère, c'est 94-95. Il y a eu Double Dragon en 94. Est-ce que quelqu'un l'a vu ? Non. Non. Avec dedans, il y avait Robert Patrick, le Terminator, celui qui se transforme et qui. Fait peur, mais voilà. Pas dans Double Dragon. C'est ça. Ensuite, évidemment, Street Fighter en 94 avec Jean-Claude Van Damme. Voilà, là, j'ai un souvenir très, très net. Et ensuite, Mortal Kombat en 95 avec Christophe Lambert, dirigé par Paul Anderson. On y reviendra. Paul Anderson, lui aussi, il fait partie de ces réalisateurs qui adorent faire des adaptations. Il a fait Alien vs Predator, mais surtout, il a fait pas mal de films pourris, on peut le dire. Comme Uwe Boll, qui lui aussi a fait plein d'adaptations. On en parlera aussi après. Donc, Street Fighter, Mortal Kombat, des gros navets encore aujourd'hui, plus facilement adaptables que Mario Bros. Ah bah carrément, tu fais un tournoi de mecs qui se tapent dessus, ça va quoi, c'est pas, enfin, il y a déjà une trame quand ouais, même. C'est comme Fight Club sans tout ce qui se passe autour quoi. Ouais. Ouais. Mais là ouais, Street Fighter c'est n'importe quoi. Sauf mais, que le problème c'est que là ils ont même pas réussi à retransmettre ça en fait. Bah, ils ont un peu galéré ils se sont dit putain, il faut qu'on place tous les personnages avec leur background historique et c'est n'importe quoi. Genre Dalshim, c'est un scientifique qui bosse pour Bison. Et qui se fait infecter par un truc qu'il est en train de fabriquer, je sais pas quoi. Et du coup, même pas ses membres deviennent élastiques parce qu'ils se sont dit ça va être trop galère. Mais ce qui est super chaud en plus, c'est que sur Street Fighter, ils ont fait un film basé sur Guile parce que Jean-Claude Van Damme a dû dire moi je veux prendre Guile. Bah, sauf que Guile, c'est un perso secondaire. Ryu, Ken, ils sont totalement absents du truc. C'est des faire-valoir qu'on voit pas. Et Bison, avec c'est le mec de la famille Adams qui joue Bison, je sais plus comment il s'appelle. Raoul Julia. Raoul Julia, ouais, super. Et sympa encore, Bison. Ouais. Et ben voilà, film humoristique plus que d'action en fait. Ouais, mais ils prennent pas du tout au sérieux le truc. En même temps, bon, Street Fighter, c'était pas un jeu hyper sérieux non plus. Mais c'est bon. Vrai. Et par contre, Mortal Kombat qui est censé être le jeu le plus gore en termes de jeu d'action, de baston, ça vaut pas un moins de 18. Le film ne vaut pas un moins de 18. Là aussi, ça ressemble à un Bioman. Non, tu trouves pas? Bah, pourquoi séparer après Christophe Lambert? Mais par contre, Christophe Lambert en Raiden, ça c'est bien. Ça, il a bien choisi le personnage. Ouais, c'est crédible en dieu, comme ça, un petit peu. Bon, ils ont quand même galéré, hein, ça, donc ça a continué comme ça, un petit peu à galérer. La hype, elle a vraiment commencé, la hype des adaptations, avec Tomb Raider 2001, avec évidemment Angelina Jolie et Daniel Craig. Angelina Jolie, qui est un peu qui est malade du foie. Ça fait longtemps. Il y avait Daniel Craig aussi dans le film. Le 007. Qui fait l'espèce de mec un autre aventurier. Ouais. Et ensuite il y a eu Resident Evil la même année avec Mila Jovovich. Ah ben voilà, là on parle de vrais films. Là c'est des nouvelles stars du box-office. Alors je sais pas si vous remarquez le changement. Maintenant c'est des héros féminins. c'est des jeux, on arrête les jeux d'action bourrine, on prend des jeux d'action aventure parce que c'est peut-être un peu plus facile, facilement adaptable au niveau du background. Et puis pour Tomb Raider, en fait, finalement, tout était orienté nichon, quoi. Bah on prend des jeux populaires, surtout, parce que les gros jeux populaires, c'était Street Fighter, Mortal Kombat, puis éventuellement Mario. Là, Tomb Raider, ça a été un gros carton, avec une héroïne féminine. Oh là là. Héroïne féminine, ouais. Et donc, en plus, ça permet de placer du nichon en se disant, ah, les fans de jeux vidéo, ils vont aimer, il y a Angelina Jolie. En fait, ce qui n'est pas faux, finalement. Et c'est un film pour les ados qui ont grandi avec Tomb Raider. Ouais, et puis bon, le choix du perso, de l'actrice, je veux dire, est un peu discutable aussi. Ça ne vaut pas Alicia Vikander. Bah d'ailleurs, ils ont sorti un 2 en 2003, puis ça a été arrêté derrière le Tomb Raider. Après, personnellement, même en dehors d'Angelina Jolie, il y avait quand même c'est dans le berceau de la vie, je crois. Oui, où il y a quand même des paysages et des endroits qu'elle visite qui sont vraiment, vraiment jolis. Après, c'est. Je sais qu'à la base, le film n'est pas orienté là-dessus, mais c'est. Je trouve clairement qu'il y a pire. Quoi. C'est Far Cry en fait le film, parce que c'est des paysages jolis, mais finalement il y a pas d'histoire. Oui, ouais, c'est l'idée, voilà, oui, c'est gentil et quoi. Et Resident Evil, c'était un petit peu pareil. Alors déjà Resident Evil, concrètement, un film de zombies où les zombies arrivent à la 40e minute. Ouais. On peut dire que c'est déjà loupé. Ouais, non, mais c'est pareil. Ils avaient une intrigue toute ficelée et puis non, ils se sont dit non. Là, l'intrigue du film, c'est un virus qui vient des scientifiques, aucune originalité. Et puis après, voilà, il y a un setup super long pour mettre en place l'histoire. Ouais, et après les suites, pareil. Enfin, par exemple, je me souviens du 2 Apocalypse, où ils étaient partis sur autre chose totalement. Où le début du film, c'était un gros délire où les membres d'Umbrella Corporation se faisaient massacrer par une intelligence artificielle. Oui. Et je trouvais ça super gonflé de se dire, allez, on s'en fout, on change complètement. Et j'hallucinais, je me disais, mais c'était assez osé et c'était fun. Et après, ça repart sur n'importe quoi pour la suite. Et ensuite, il y a eu plein d'étrons comme ça. Après Resident Evil Apocalypse, il y a eu Doom, un film polac mauvais que personne n'a vu, je pense. Non. Voilà. Ouais, non. Il y a eu Max Payne avec Mark Wahlberg, donc forcément mauvais. Il y a eu Hitman. Hitman, ce n'est pas un étron. Hitman, ils ont réussi à raser la tête du mec qui a le moins de charisme au monde. Mais non, Timothy Olyphant, tu rigoles. Il est trop classe. Il est super charismatique, je trouve. Il a pas de charisme dans ce film. Mais si, mais il a une moustache dans Deadwood, il a un chapeau dans Justified. Dans d'autres films. Et dans Hitman, il a pas de cheveux, de moustache. Non, moi je trouve qu'il en impose vraiment. Moi je trouve qu'il assure bien niveau. Parce que t'es jaloux parce que t'as trop de cheveux, c'est pour ça. C'est vrai. Ça, c'est Jérémy, il le défend. Entre chauve, il le défend, Timothy Olyphant. C'est ça. Non, ouais. Puis il y a aussi Olga Kurylenko dedans. Ouais. Très sexy. Oui, bah, toi, tu regardes que les nichons aussi. Ouais, c'est vrai que je parle que de ça depuis le début, c'est un petit peu étrange. Ouais. Même, et puis le scénar est clairement, on va dire, relativement respecté. Enfin, vraiment, ouais, il y a de l'action, mais sans être non plus que de la. Ça bastonne, c'est bien fait. Partout. C'est bien chorégraphié. Je me souviens d'un sens de. Combat dans le métro, là, au couteau, je sais pas quoi, qui est assez cool, quoi. Non, on peut, il y a 95% de bouse dans les adaptations de jeux vidéo au cinéma, et là, on est dans les 5% de films sympas. C'est tout ce qu'on peut espérer pour l'instant. Après, tu as le droit de ne pas aimer. Tu as le droit d'avoir des goûts, des mauvais goûts. Alors, on va rester dans la bouse, juste rapidement. On fait aussi on parle de Hugh Ball, l'allemand le plus détesté du monde de la fantasy après le Baron Strucker. Le mec a fait la destruction totale de tous les jeux vidéo en film. House of the Dead, Alone in the Dark, Blood Rain, Postal, Blood Rain 2, Far Cry, Alone 2, Blood Rain, encore un autre. Tout ça en une dizaine d'années sur IMDb, sur Rotten Tomatoes. Il n'y en a pas un qui dépasse les 3 sur 10. Il a pris que des bons jeux en plus, quoi. Il a pris que des jeux super adaptables et où il a mis. Et il les a tous détruits, quoi. Il les a tous détruits. Qu'est-ce qu'on peut espérer de bon encore après ça? Il y a eu récemment Assassin's Creed avec Michael Fassbender. J'ai vu seulement quelques extraits. Qui est le compagnon d'Alessia Vikander. Ah bon? Oui. Ah bon, tu vois, info people. C'est ça. Assassin's Creed sur Metacritic, Rotten Tomatoes, il n'y a même pas un tiers de satisfaits, malgré tout le battage qu'a fait Ubisoft en disant c'est génial, on a réussi à faire un truc génial. C'est notre directeur créatif qui a aidé pour faire l'adaptation. Donc tu vois, okay, Ubisoft est derrière pour quand même. Et Ubisoft, a priori, ils ont prévu de faire The Division aussi en film. Exactement. Je vois pas. Pas trop. Le jeu, après, je sais pas si du coup vous avez joué au jeu. Le jeu est vachement bien. Mais après, bon, niveau scénar, c'est pareil. C'est en gros une peste qui détruit une ville. Enfin, voilà, c'est le post-apocalyptique dans l'idée. Bon, ça peut se rendre, mais pareil, il faut que ça soit bien fait, bien foutu, quoi. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui va arriver? Megaman, donc produit par Masioka, on l'a dit. Il y a Minecraft. Minecraft, je sais pas ce qu'ils vont faire. J'espère que ce sera de l'animation. Steve Carell. Ça peut être déjà pas mal. Ouais, c'est une connerie, mais une comédie, quoi. Ouais, ou alors un Lego Movie, quoi. Et enfin, après, a priori encore en 2017, enfin c'est ce qui est marqué du moins sur le net, il doit y avoir l'adaptation de The Witcher qui est prévue. Ouais. Et ça, enfin si ça rend bien. Et après, il y aura même une série aussi pour série continuer TV, le film. Et si c'est bien foutu, ça va être énorme. Vraiment, enfin, il y a moyen que ça soit. On attend énorme. Aussi Mass Effect 2019, Metal Gear Solid 2019 avec John Advogt Roberts, Tomb Raider 2018 avec Alicia Vikander, oui. Roar Hothog. Exactement, film de Roar Hothog. Splinter Cell. Ouais, Splinter Cell. Avec Tom Hardy. Uncharted. Uncharted avec Tom Holland, le nouveau Spider-Man. Et Portal aussi, mais je vois pas trop comment ça peut Portal, vraiment faire. Je crois que c'est annulé Portal. Ah, d'accord. The Division, donc avec Jack Gyllenhaal et Jessica Chastain. Ouais, ils prennent que des acteurs super bankable. Quoi. Alors, des acteurs bankable et pour la plupart, c'est quand même des jeux qu'on va pouvoir adapter normalement. Metal Gear Solid, Splinter Cell, Tomb Raider, The Division, à part le Minecraft, Uncharted, tout ça, ouais, c'est des films. Tu peux pas te planter, ouais. Voilà, des films. Bah, le problème, c'est qu'on a toujours dit tu peux pas te planter et tous les films d'avant. Mais là, on est quand même. Hollywood se dit waouh, il y a un énorme vivier de joueurs. Ils se sont rendus compte depuis quelques années qu'il y a des millions et des millions et des millions de joueurs. Donc ça fait un gros marché. Donc peut-être ils s'appliquent un peu mieux. Enfin, des gens, Jessica Chastain, quoi, qui est une actrice avec un grand A, qui se retrouve dans un film adapté à un jeu vidéo. Et en plus, les jeux vidéo sont de plus en plus graphiquement développés. Scénaristiquement développé, donc c'est du tout cuit pour Hollywood qui aime bien reprendre des trucs scénaristiquement voilà. Et en animation aussi, World of Warcraft par exemple, toi oui. Tu l'as vu. Oui, c'est moite-moite acteur et animation, mais... animation. Et vu que c'était le commencement, il y en aura fatalement au moins un, voire plusieurs autres. Bon film ? En tant qu'adorateur de Blizzard, oui, je suis pas super objectif, mais c'est un film correct, ouais. Voire bon si on est vraiment amateur. Ouais. Donc vous croyez qu'on peut quand même faire, tu disais toi il y a 5%, 95% de bons, de mauvais, on peut quand même arriver sur une période où, est-ce que c'est adaptable les jeux vidéo au cinéma ? Bah sur le, c'est des médias qui sont tellement différents que tu peux pas du tout adapter, mais tu peux quand même te servir d'un univers, on a des univers géniaux dans les jeux vidéo qui ont parfois rien à envier au cinéma, on peut, il y a quand même matière quoi, donc voilà, après sur un gameplay ce sera jamais retranscriptible en cinéma, mais une bonne histoire, des bons persos et des beaux, voilà, des belles choses, ça c'est complètement possible. Ouais. Genre Angelina Jolie quoi. Voilà. Genre Angelina Jolie par exemple. Elle est... Mais non, après c'est vrai que bah, moi c'est un peu pareil, c'est par rapport au background, parce qu'effectivement des films Street Fighter il y a zéro background, donc forcément que ça tourne en rond, mais quand il y a du bon background, dans l'absolu un Skyrim par exemple où il y a un monde ouvert immense et tout, ça pourrait peut-être rendre quelque chose de correct. Il faut un lore énorme. Voilà, mais c'est travaillé par l'éditeur, donc il y a une sacrée base en fait à bosser quoi. Ok, on verra ça avec les films qui vont sortir. Moi, honnêtement, j'y crois pas trop. Ça fait des années qu'on nous bassine sur non, vous allez voir, c'est différent cette année, c'est génial. Regardez, on a mis du Michael Fassbender, donc forcément ça va cartonner puisque c'est le nouveau Magneto. Voilà, finalement, si on regarde bien, j'ai fait le descriptif de tous les jeux, de tous les films dont on a parlé là. Il n'y en a pas un qui a dépassé 5,5 sur 10. Et en fan, et en. Sur Rotten Tomatoes, sur IMDb et sur Metacritic. Ouais, mais enfin, Hollywood a une grande tradition, c'est de massacrer les œuvres originales. Hein. Il y a des écrivains par milliers qui se sont fait massacrer leurs bouquins, ou même des scénaristes d'ailleurs. Donc là, avec le jeu vidéo, ils font pareil, quoi. Ils l'adaptent comme ils pensent que ça va mieux marcher, puis ça ne fonctionne pas, quoi. Donc. Eh bien, on verra ça dans les années qui suivent, notamment jusqu'à Minecraft en 2019 avec Steve Carell, le What the Fuck. On l'attend impatiemment. Vous pouvez évidemment réécouter cette émission si vous tombez dessus maintenant, c'est dommage pour vous, sur gametrip.net directement dès ce soir. Ce sera en rediffusion mardi soir à 19h30 sur BLE Radio. Merci à vous, merci à toi Jérémy, merci à Ben. Mais de rien, bien, merci. Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler évidemment jeux vidéo et pas cinéma cette fois, mais ça suffira déjà de parler de jeux vidéo. Salut, bonne soirée. Salut. Mais non, bonne journée même. BLE Radio. Plus proche des Lorrains.